sangue formasse comme un famille, parce qu'ici on retrouve un peu les chaleurs, on se trouve ici comme chez nous, il n'y a pas les problèmes que nous avons à Paris. Ici, c'est pour nous, c'est comme un refuge où on peut avoir facilement le contact. Parce que je crois que la chose la plus importante de Vincennes, c'est le contact que nous avons aussi avec toutes les nationalités. Toi, Vincennes, avait une fac ouverte. Aussi, par rapport à d'autres facs, bien sûr, aussi, ça reste une fac sympa. Les relations humaines sont quand même relativement tolérantes et chaleureuses. Ça reste un champ d'expérience assez riche dans beaucoup de domaines. Mais c'est quand même une usine à savoir, avant tout. Et elle a un rôle spécifique dans la société ou dans le processus social. C'est une formation de cadre et propagation du savoir-pouvoir. Si on veut apprendre quelque chose à Vincennes, il y a de Vincennes, c'est très, très, très positif, parce qu'il y a des professeurs qui sont très, très bons. Mais le problème que je vois dans la qualité de Vincennes, c'est qu'il y a trop de cours magistraux. Et là, c'est un peu embêtant. Je crois que les gens, ils peuvent aussi apporter beaucoup de choses au cours. Il y a des fois que, ça, je suis très sûr, qu'il y a des fois que les gens ils peuvent apporter plus que les professeurs. Maintenant, beaucoup de gens ont des problèmes enfin, l'administration aussi bien que les étudiants d'ailleurs. Et quand tu fais par exemple une grève en 68, les étudiants participaient, tout soutenaient, etc. Maintenant, ils te disent d'accord, notre problème est juste, mais on fait quand même notre papier, vous êtes en grève, on n'a rien à faire, faites-nous nos documents, nos diplômes. Qui a sorti un numéro spécial sur la drogue au moment où il a éclaté, c'est-à-dire en mai-juin l'année dernière. Et on disait bien, enfin, il y avait une analyse qui est commune sur la drogue, que ce n'est pas un problème en soi, mais d'abord c'est un problème de société. Est-ce que c'est un problème? Oui, oui, oui, c'est un mouvement qui est fort. Ah oui, en ce disant, là, oui, mais je ne sais pas exactement, parce qu'on aurait tellement rare que. Ça veut dire que le problème existe? Ah oui, il existe, ouais, ouais. Je connais le truc là. Ouais, je connais le bâtiment. Je connais le bâtiment. Je connais pas les mecs, tu vois. Je suis prêt pour défendre ma salle, on me met des armes. Ça, c'est sûr.